détruisent ou quoi. Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. Molt benvinguts i benvingudes. Una nova edició de Olala Music obre les seves portes a través d'aquesta sintonia. Rebeu la salutació més cordial a càrrec de Rafael Corbí, programa dedicat a la música cantada en francès. Per exemple, la nostra introducció amb aquest programa Music, la cançó de la gran intèrpreta parisenca France Gall. Comencem el nostre espai d'avui amb la recomanació setmanal de la nostra oient de la Norma, que ens porta una de les cançons d'en James Goldman, un artista del qual la Norma sempre ha qualificat com impossible de triar només una cançó d'ell, perquè diu que n'hi ha tantes i totes són igual de bones, absolutament totes. Avui, una cançó en la qual el escrit de la Norma ens diu: faci el que faci, sigui on sigui, res no t'esborra. Penso en tu, aprengui el que aprengui, no entenc perquè jo estic sagnant i tu no. Pastoa, la cançó que ens recomana la Norma avui per començar. Hola, la music en James Goldman. Graver l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes à trop veiller, prier des ombres et tant marcher. J'ai beau me j'ai beau l'écrire si noir sur blanc, quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Passe les jours, vie de sillon, sans amour. Passe ma chance, tourne les vents, reste l'absence, obstinément. J'ai beau me dire que c'est comme ça, que sans vieillir, on we'll be right back. Genial aquesta primera col·laboració del nostre espai amb la Norma, com sempre encertadíssima en les seves seleccions musicals, i amb Jacques Goldman i aquest Pastoa que acabàvem d'escoltar. Avui, en aquests primers minuts del nostre espai, escoltarem algunes cançons que són peces originals en francès, però que ens els interpreten artistes d'altres contrades. Comencem amb aquest artista de pare espanyol i mare francesa, el compositor i cantant malagueny Pablo Moreno, nascut el 1989 amb el nom de Pablo Alborán. S'ha fet famosíssim amb el seu àlbum Tanto, edició especial el 2012, va incloure una versió d'aquest clàssic, La Vie en Rose. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de la femme à laquelle j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Voilà vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur. Sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à mourir. Quand elle me prend dans ses bras, dans mon cœur. tomba. Alors je sens en moi mon cœur. Són fantàstiques aquestes cançons. Pablo Alborán, la Vian Rose, ens acompanyava amb el nostre programa. Ara serà Il Divo, també una extraordinària formació que ens ha acompanyat amb moltes, moltíssimes cançons. Un grup musical que combina la lírica i la música clàssica amb el pop i altres gèneres musicals. Aquest estil denominat a nivell internacional com crossover clàssic. L'escoltem amb una de les seves cançons, també cantades en francès, des de l'àlbum Ancora. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tous appellassent, les amours aussi passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans le froid, dans les flammes. Je jetterai du sort pour que tu m'aimes encore. Que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. Que les autres font ainsi, je ne suis pas les autres. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se cache, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'ai ton âme, pour les froids dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai tes langages, je t'ai des louanges, je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges. Les volets magiques des marins au d'Afrique, je les dirai sans genial, Il Divo, també amb aquesta cançó que acabeu d'escoltar. Per escoltar més música, a Hola La hem anat cap a la cantant nascut el 1947, que ens va deixar el 2009, la cantant murciana Maria Trinidad Pérez de Mirabete Mille, més coneguda, amb el nom més curt, de Mari Trini. Aquesta cançó la trobàvem dins el recopilatori Una estrella en mi jardín de l'any 2005. la pluie sur les carreaux, essuie le givre. Toi quand tu me caresses, j'ai fait de vivre. Il est toujours trop tôt quand tu me quittes. Retiens l'aurore, j'ai peur encore. La pluie sur les carreaux, essuie le givre. Laissons nos souvenirs qu'il nous délivre. Moi je saurais t'offrir la vie dont nous rêvions, lorsque nous n'avions qu'un rêve à nous offrir. Pour un instant de toi, j'inventerais un monde où les secondes ne comptent pas. C'est l'heure où peu à peu la rue s'éveille comme un enfant frileux. Le jour se lève, la ville reprend vie. Tu dois partir, rejoindre tes amis et oublier nos nuits. La pluie sur les carreaux a effacé le givre. La vie de tous les jours enferme notre livre. Sur les carreaux a effacé le givre. La vie de tous les jours referme notre livre. Toi quand tu me caresses, j'ai faim de vivre. Mari Trini, amb una altra de les cançons, hem recordat a Pablo Alborán, a El Divo i a Mari Trini. Ara és el moment que amb el nostre programa cedim el torn a l'Àngel Rodríguez, qui ens acompanyarà amb la seva col·laboració d'aquesta setmana. Benvingut, Àngel. Hola, Rafael, què tal? L'any 2011, Axel Red va triomfar amb aquesta peça titulada Ma Prière, la meva pregària. Axel Red l'escoltarem un altre dia, també, perquè és una gran cantant, ja veureu que us agradarà. Es tracta d'una cantant belga nascuda l'any 1968 a Hassel. L'any 1998, per exemple, va cantar la cançó Le Cours des Grands amb Joshua Endur en la cerimònia d'inauguració del Campionat del Món de Futbol d'aquell any. Va ser també un gran èxit. Avui, d'Axel Red, escoltarem Ma Prière. On sent les mauvaises ondes qui nous inondent, malentendus. Le comportement humain, réalité si cruelle. Je crains que l'on devienne une génération virtuelle. Si j'ai toujours gardé l'espoir, aujourd'hui je n'ose plus y croire. Moi qui aurais tant. Quelle drôle d'impression. En enclave on développe. Il est temps qu'on prenne d'autres dimensions. Les images de l'Afrique gravées dans mon subconscient. Sans la politique, elles s'effacent depuis longtemps. toujours garde l'espoir. Aujourd'hui je n'ose plus y croire. Moi qui aurais tant voulu, moi qui aurais voulu. Je cherche mais je ne trouve pas un pays qui me va. Moi qui aurais tant aimé, me sens paralysée. J'ai traversé la terre entière. Écoute ma prière. Gràcies, Àngel, per aquesta excel·lent col·laboració en la música d'Axel Red. Seguim amb aquest programa del dia d'avui de Oh La La Music. Danser n'est pas danser, tu vois. Si c'est seulement le faire en solo. Mon cœur est au pôle nord-camp, toute seule sur ton volcan. Tu danses en restant loin de moi. Je veux pour une première fois danser plus près de ta peau. Dans les balancements de la danse, effacer la distance qui nous sépare l'un de l'autre. Je veux pas danser si loin de toi, je veux t'avoir contre moi. Oublier le reste, corps à corps, le cœur d'accord. Qui font l'amour avec la mer dans les profondeurs d'une histoire qui commence comme ça. Moi je veux danser contre toi, danser pour danser avec toi. Avec toi.

demandez pas où je veux aller. Même les singes sages, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, on prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Un dia d'aquests que farem i farem una recopilació de tots els temes d'en Ciril Torres, el nostre convidat especial de cada programa de la La Music, perquè n'hi han de magnífics i amb ells sols tindríem per fer un piló de programes del nostre espai, i de ben segur que us agradaria, perquè sou molts els que esteu esperant, molts i moltes els que esteu esperant aquest punt a la meitat del nostre programa, perquè ens descobreixi peces que de vegades ens sorprenen, i si no fos perquè estic ben sentat, em farien caure de cul. Benvingut, Ciril. Gràcies, Rafael, i hola a tothom. Encantadíssim de tornar a estar aquí i encantadíssim de compartir aquest espai. La música, jo ara pensava mentre sentia en Rafael, la música és infinita i inclassificable, però nosaltres a vegades tenim la mania de voler classificar-la. Dic mania i ho dic en el sentit positiu. En aquest cas, el nostre marc és la música en francès, i això dona peu doncs, a moltíssims gèneres musicals que no deixen de ser altres classificacions d'aquesta cosa tan estranya que és la música i que és alhora inclassificable. No sé si s'ha entès, però vull dir que la peça d'avui és una peça també inclassificable. Anem a sentir un jove raper francès que recupera segurament el més... Bueno, tampoc seria l'oposat, o de tant oposat es tocarien. Georges Brassens, un dels grans de la cançó francesa dels anys 50, 60, 70, un referent absolut, un cantautor que amb la seva guitarra i el peu sobre la cadira pràcticament, doncs d'alguna manera anticipava el rap i anticipava moltíssimes coses. En aquest cas anem a sentir un tema seu, un clàssic, en el seu moment va estar, crec, inclús prohibidíssim per l'església o aquestes coses. que passaven en aquelles èpoques, perquè venia a explicar la història d'un goril·la que s'escapava del zoo i que tenia la possibilitat i que portava tota una sèrie d'anys tancats i sense tenir cap mena de relació. S'escapa i té la possibilitat de violar una vella o un capellà. Bé. El cas és que la cançó va estar prohibida en el seu moment, però és un dels grans clàssics de Georges Brassens. Ella és la Consolab i en aquest cas rapeja precisament sobre el goril·la. C'est à travers de grandes grilles que tant de filles du coin scrutin. Gros gorille, y'a trop de filles, certaines seraient même venues de loin. Elle reluque un peu du coin de l'œil, c'est un endroit précis. Car regardez si je dis quoi, je doute que ma mère apprécie. À cet endroit-là, le récit précise que la cage du singe s'ouvre. Quelqu'un n'a pas fermé le verrou, c'est ce que se fait sous l'improu. Singe sort comme un ouf, répétant, je la perds coûte que coûte. Se référant à sa virginité, vous le devinez sans doute. Gardien du zoo peut pas s'en foutre, vu qu'en outre le gorille n'a pas connu le bonheur ou eu l'honneur d'avoir affaire aux filles. Sitôt que le lot de celles autour comprennent que le singe est plus haut, lieu de puissance. Sauter au cou, elles font demi-tour pour se tirer du zoo. Les mêmes qui plutôt le scrutèrent d'un air qui en dit long. Fuit comme s'il n'était pas super, comme s'il était bidon. La crainte est inappropriée car le gorille est bon vivant. Priant au lit, demande aux filles qui lui offrirent leur divan. L'ensemble des filles qu'il mate et fuit devant le primate en érection. Chacune para par une mamie ainsi qu'un juge d'instruction. Voyant toutes se dérobent, le singe dès lors accélère, s'élance vers les robes. La vieille et du juge le sexe à l'air. La vieille sidérée à l'idée que son corps ridé puisse encore faire envie. Se dit que c'est l'occasion rêvée, qu'elle en serait ravie. Je pense quant à lui que le singe me prenne pour l'une des siens. Il n'y a vraiment pas de risque, la suite prouve qu'il n'en était rien. Supposez être comme la bête, même si l'idée vous effraie. Contraint de violer, juge ou ancêtre, lequel en ferait les frais. Que pareil choix m'ait choisi vers la vieille, j'en suis convaincu. Que je me tourne quant à moi, même s'il est vrai qu'un cul est un cul. Hélas, si le singe tente au câlin a l'air d'être un bon coup. Il n'est cela dit pas très malin et de coup n'en a pas beaucoup. Aussi, au lieu de choisir la vioque comme on lui fait vous ou moi, il saisit le juge par le froc et disparaît dans les sous-bois. La suite serait super, hélas, je ne peux pas la narrer. Je suis le premier. Mais des super suaves qu'il avait là de quoi se marrer. Car juge au moment crucial, hurle, chiale et désespère peut-être. Comme Stomp au tribunal, il avait condamné à perpète. Perpète. Esteu escoltant Ulala Music. Des d'un àlbum que es va publicar el 2014 i que es deia We Love Disney, en la seva segona part, escoltem alguns dels temes més estàndards de la música de Disney, però cantats en francès, en Laurent Marimbert, en Zao o en Alizé. Són els tres que hem triat per al programa d'avui des d'aquest recopilatori. We Love Disney. Estimem a Disney. Oh. cette chanson d'espoir. Car c'est ce soir que nos cœurs se déclarent. La lune illumine la scène sublime. Pour la fin du jour, connaître pour toujours l'amour. Je chante pour toi une merveilleuse histoire d'amour. Hola la Music amb Rafael Corbí. Rabat-joie. Oui, je t'ai entendu. Debout, lève-toi, Cendrillon, au travail. Même l'horloge me donne des ordres. Mais jamais personne ne pourra m'interdire de rêver. Et peut-être qu'un jour, mon rêve deviendra vrai. Le rêve de ma vie. Recte final del nostre espai després d'aquestes tres cançons de Disney, i ho farem amb Bàrbara Carlotti, una cantant nascuda el 2 de juliol del 1974, cantant francesa nascuda a Clamart, i que ens portarà alguna de les cançons del seu àlbum magnètic del 2018, Voix le tol tombe. Bàrbara Carlotti amb el nostre programa. La peur tenir les choses à marcher seul sur le volcan. Le feu déclenche parfois le vent. Le doute est un trop de mouvements contraires, trop d'agitation. Et j'ai l'impression que si j'arrive pas à canaliser tout ça, si j'arrive pas à trouver le point d'équilibre, je vais me consumer d'un coup. Mon cœur va lâcher. Res més per aquesta setmana. La música de la Bàrbara Carlotti ens ha acompanyat per acomiadar-nos, i ja lligant amb aquells duets que us dèiem abans, un dels destacats també de 2018 és el que Bàrbara Carlotti ens porta en l'artista anomenat Bertrand Bourgalat. Tout sé que tu touche és una de les cançons que podem escoltar també en aquest àlbum, i a la qual des del Magnetic ens acomiadem amb aquest espai de la Music, la música en francès, amb Rafael Corbí. I una vegada més, disculpeu el meu francès. A reveure. Tu touches cette touche, tout ce que tu vois, un écran plat, tout ce que tu sens, goûte tout devant toi, toi, immeuble, arbre, ciel, tout ce que tu penses, je ne sais pas, tout ce que tu entends, ta voix, la rue, tout ce que tu chantes. Le soleil, ton air, le vent, tout ce que tu approches, les structures, les sons, les formes, les ombres, les êtres, les nombres, doute, doute, doute, tu doutes, doute, doute, doute, tout ce que tu au refrain. Des beaux rêves qui dansent.